Salut. Salut, Jasmine. Ah, t'as capté mon nom. Pourquoi t'es là? Disons que je suis venu faire une livraison. Mais j'ai rien commandé. Oui, je sais. Ok, du coup? Est-ce que je peux entrer? Ok. Je suis venu voir la plus belle fille sur Terre. Sérieux, là? Très sérieux. Depuis la dernière fois que je t'ai livré. Ah ouais? La dernière fois que je suis venu ici, j'ai livré une commande. Mais en repartant, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oublié quoi? Mes pensées. Donc t'es revenu récupérer tes pensées? Pas exactement, mais je suis venu voir si tu étais restée aussi belle que dans mes souvenirs. Mais je pense que ma mémoire m'a trahi. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu es encore beaucoup plus belle. Ma tête n'était plus tranquille, fallait que je revienne. Donc je trouble la tranquillité des livreurs maintenant? Pas des livreurs, mais des hommes. Tu parles bien quand même. Quand on parle à une personne qui mérite qu'on choisisse ses mots, on fait un effort. Donc vous êtes revenu juste pour ça? Juste pour ça. C'est audacieux quand même. Je suis un livreur et les livreurs sont habitués à prendre des risques. Tu dis ça à toutes les filles? Si je disais ça à toutes les filles, je ne serais plus livreur et je serais poète. C'est drôle, mais je vais être honnête avec toi. Mm-hmm. Tu parles bien et tout, mais t'es livreur. Mm-hmm. Et je ne me vois pas vraiment être dans ce genre de relation. Le problème, c'est ma personne ou le métier? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je veux dire, si j'étais la même personne avec les mêmes paroles et que je descendais d'une grosse voiture, est-ce que ta réponse serait différente? C'est pas vraiment ça. Alors c'est quoi? En fait, je ne sais pas si je me vois dans une relation comme ça. Une relation avec un livreur? Je n'ai pas dit ça. Je suis un livreur, oui, mais l'avenir d'une personne ne dépend pas de son métier actuel. Bon, tu sais, je ne suis pas venu ici pour forcément te convaincre. Je suis venu parce que parfois, dans la vie, le courage, c'est juste dire ce que l'on ressent. T'es quand même sûr de toi, pour être honnête. Ouais, sinon je n'aurais pas eu le cran de venir frapper à la porte d'une fille comme toi. Ouais, mais... Désolé. Pas de problème. Les livreurs sont habitués aux commandes annulées. Mais je sais une chose. Le métier ne garantit pas le bonheur d'une femme. Mais un homme qui sait aimer, oui. C'était un plaisir. Je dois partir. Au revoir. C'est quoi ton nom déjà? Livreur Pro Max. Il crée ton nom dans les rues de Dakar. Mais qui connaît le garçon qui tremble